Ce n'est pas quelque chose qui lui est donné par vertu de la création. Je dis que le double n'existe pas sur la Terre. Quand je parle du double, je ne parle pas du corps astral, moi. Le double n'existe pas. Le double est créé pièce par pièce, couleur par couleur, rayonnement par rayonnement. Chaque triton qui constitue le centre d'énergie dans le double est le produit d'une souffrance humaine. Chaque triton. Chaque partie du double est créée par la souffrance de l'homme, dans le mental et dans l'astralité de son émotion. Le double appartient à l'homme. L'homme doit le contrôler. L'homme doit se décharger complètement, c'est-à-dire se recharger complètement, c'est-à-dire aller chercher dans cette partie de lui qui a été constituée par la souffrance à cause de l'organisation atomique du plan mental, astral, vital et physique qui lui donne accès et droit à la liberté. Donc, la liberté de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui a été donné par les forces cosmiques qu'on appelle les esprits de la forme ou les forces cosmiques qu'on appelle les esprits de la lumière. La liberté de l'homme est le produit du perfectionnement du mental, vital, physique et astral de l'homme sous l'impulsion, sous la perméabilité, à travers le processus d'osmose, de l'énergie à travers la matière dense que nous appelons l'être humain, et c'est à travers cet être humain que le double est formé, et demain l'homme appartiendra au double comme le double lui appartiendra. Et le double de l'homme deviendra sa clé qui lui permettra d'entrer dans les dimensions ultimes de la matière où l'œil ne peut pas pénétrer, mais où l'énergie de la conscience supérieure de l'homme, faite du double, lui donnera accès à tous les mystères de la création. Donc, à ce moment-là, l'homme pourra reconnaître, une fois pour toutes, l'inévitabilité de l'intelligence. Reconnaître une fois pour toutes que l'esprit de lumière est un être qui doit le servir, que la lumière doit le servir. Comme dans le passé, la lumière l'a desservi pour des raisons ultimes d'évolution. Dans l'avenir, la lumière doit servir l'homme, et dans le futur, dans la septième race de l'homme, la forme servira l'homme. De sorte que dans la septième race de l'homme, l'homme créera par la pensée la forme et la matière surgira des pénombres de l'énergie. L'homme créera la matière avec la pensée créative. Donc, les esprits de la forme seront assujettis à l'homme comme l'esprit de la lumière sera assujetti au cours de la sixième race à l'homme. Et l'homme deviendra le prochain cultivateur de la galaxie. Avec le développement des démocraties dans le monde occidental après la Révolution française, il y a eu un changement dans la conscience de l'humanité et l'homme a réalisé, après la destruction des monarchies en Europe, que, et aussi après la venue de la science, l'homme a réalisé qu'il avait été exploité par les hiérarchies planétaires qui composaient les anciens royaumes européens. Et la démocratie a remplacé un peu, a changé un peu l'optique de l'homme vis-à-vis de lui-même. Et ensuite, le communisme international ou le socialisme a donné à l'homme, sur le plan collectif, sur le plan économique, politique, une sorte d'espoir vis-à-vis la relation homme-État. Espoir qui s'est effondré avec la période stalinienne et les différents pogroms en Europe. Le nazisme, le fascisme, et ainsi de suite. Bon. Les masses mondiales découvriront, de par leur propre expérience politique, les masses mondiales découvriront que c'est absolument impossible à l'homme, quel que soit son idéalisme, de se donner des formes politiques qui conviennent parfaitement à sa nature. Donc, il y aura toujours, à l'intérieur d'une forme politique humaine, tant que l'homme est inconscient, il y aura toujours une sorte d'exploitation du plus fort, que le plus fort soit purement capitaliste ou qu'il soit de nature politique comme le Politburo, ou que le plus fort soit une société hermétique comme le sionisme juif, que le plus fort soit n'importe quoi, il y aura toujours une impression imposée à partir du haut de la pyramide sociale, dans quelque forme de gouvernement que ce soit, contre l'homme, contre l'individu. Dans la démocratie capitaliste, le plus fort se manifeste comme étant les grands monopoles, les grandes organisations gigantesques qui mesurent le pouls de l'évolution économique, politique, même sociale de l'humanité. Et là où l'homme a été exploité, quand je parle d'exploité, je ne parle pas nécessairement d'exploité dans le sens que Marx, ou Lénine, ou Trotsky, ou Boukhanine ont employé le terme d'exploitation, mais là où l'homme a été exploité par l'organisation sociale de l'homme, ça relève toujours du fait que l'homme, dans son inconscience, quel que soit son idéalisme politique, économique, l'homme ne peut pas rendre à l'homme, d'une façon universelle, le bien qui revient à chaque individu. C'est impossible. Parce que l'homme est astral. L'homme a un corps de désir. L'homme, en tant qu'individu, a différentes facultés. Il y a des hommes qui sont faits pour mener le monde, il y a des hommes qui sont faits pour être menés dans le monde, et ainsi de suite. Bon. À la fin du cycle, lorsque l'expérience politique mondiale, socialiste, capitaliste, aura été essayée à toutes les sauces, l'homme réalisera que la seule forme de liberté qui puisse exister sur une planète est en fonction de lui-même, est en fonction de son intelligence, de sa volonté. Mais dans cette réalisation, dans ce nouveau cycle de conscience, l'homme aura réalisé l'inexcusable inhabilité ou l'excusable inhabilité des gouvernements de donner à l'homme ce qu'il a besoin. Mais l'homme découvrira aussi autre chose. Il découvrira aussi que la domination ou l'exploitation de l'homme de l'humanité n'est pas simplement un forfait qui est l'expression d'un désir purement humain, mais c'est un forfait qui est l'expression d'une conscience astrale implantée chez l'homme par des forces qui sont extérieures à lui, mais qui lui sont voilées, dont il n'a pas conscience. Et l'exploitation de l'humanité par l'invisible est beaucoup plus dangereuse que l'exploitation de l'humanité par le matériel, par le physique, par le visible. Parce que cette exploitation, elle est du domaine de l'esprit, tandis que l'autre, elle est du domaine de l'esprit aussi, mais en fonction d'un aspect psychologique, matériel, économique et social. Et à l'âge où nous sommes aujourd'hui, dans les temps qui courent présentement, l'exploitation psychique de l'homme devient de plus en plus grande, et l'homme n'est pas équipé à reconnaître non pas les erreurs expérimentales d'une politique invisible, parce qu'à ce niveau-là, ce ne sont pas des erreurs de politique expérimentale, comme nous le retrouvons sur le plan matériel, mais des influences énormes. Énormes. Et l'homme nouveau, l'homme conscient, l'homme qui naîtra de l'homme ancien, découvrira que le danger de l'homme, ce n'est pas la société, ce ne sont pas les gouvernements, dans quelque forme que ce soit. Parce qu'un homme qui est moindrement conscient du processus psychologique en lui, un homme qui est moindrement conscient des illusions en lui, peut se sortir de n'importe quelle condition sociale, politique ou économique. Et lorsqu'un homme se sort de ces conditions sociales-là, politiques ou économiques, il s'aperçoit qu'il y a d'autres conditions internes à lui qui font partie de lui, qui font partie de ses voiles, dont il n'est pas encore extirpé. Et plus le cycle avance, plus nous avançons vers la fin du cycle, plus nous verrons des hommes dans différentes expériences de vie, se heurter contre la manipulation extraordinairement complexe de forces qui sont en lui, qui font partie de sa conscience, mais qui sont aussi, avec le temps, totalement neutralisables. Et c'est le facteur de temps que je veux expliquer en fonction de cette conscience humaine. Il est évident que l'homme qui prend conscience des forces en lui, des forces à tous les niveaux, qui exploitent son psychisme, il est évident que l'homme doit vivre, souffrir une certaine période de temps pour que ses forces éventuellement se neutralisent, soient neutralisées en lui. C'est évident. Mais ce qui n'est pas évident à l'homme, c'est que le temps qui est nécessaire pour écourter cette souffrance ou cette sorte de domination subliminale, cette sorte d'influence, est directement proportionnel à sa volonté d'agir. Remarquez que l'homme aujourd'hui, l'homme de la terre, n'est pas un homme fusionné, donc il n'est pas obligé de subir la vie telle qu'il l'a subie. Si l'homme était fusionné, oui, il est obligé de la subir. Il n'y a pas de choix. Mais l'homme n'étant pas fusionné, l'homme allant vers la fusion, autrement dit, allant vers une intelligence intégrée, n'est pas obligé de subir le conditionnement mental ou émotionnel de son être à son insu. Il a définitivement une porte d'action, il a définitivement une série d'actions qu'il peut créer pour ralentir cette domination, pour changer son rapport avec lui-même. Mais le problème, c'est que l'homme ne le voit pas toujours. Il ne le voit pas. Et pourquoi il ne le voit pas? Parce qu'il n'est pas conscient, il n'a pas suffisante conscience de l'intégrale participation de son double avec son ego. Donc, il vit toujours une sorte de dualité. Il vit toujours une partie intérieure et une partie extérieure. Alors qu'il devrait réaliser que la partie intérieure est lui-même. Donc, en fait, il n'y a pas de partie intérieure dans l'homme. Il n'y en a pas. Et ce qui donne à l'homme l'impression qu'il y en a une, c'est justement parce que, astralement ou mentalement, ses corps ne sont pas suffisamment raffinés. Et tant que l'homme n'a pas réalisé qu'il n'y en a pas de partie intérieure en lui, tant que l'homme n'a pas réalisé que ça n'existe pas le grand moi ou le petit moi, que ce sont simplement des conventions psychologiques qui sont directement proportionnelles à la couleur de son corps astral ou à la couleur de son corps mental, qui donnent à son être-té une impression de dualité, tant que l'homme n'a pas réalisé ceci, il est obligé de vivre une sorte d'influence, de subir une sorte d'influence. D'ailleurs, une sorte d'influence que l'homme planétaire inconscient ne connaît pas, qui est subie par inadvertance, tandis que nous le subissons en conscience. Et tant que l'homme n'a pas réalisé qu'il n'y en a pas de grand moi, qu'il n'y en a pas de petit moi, il ne peut pas réaliser une chose qui est absolument importante à tout être humain, sur quelque plan que ce soit, dans quelque région de l'univers que ce soit. Il ne réalise pas qu'un être humain, c'est un être, autrement dit, une organisation complexe et complète de la conscience atomique. L'homme, c'est une organisation complète de la conscience atomique, que ce soit sur le plan mental, sur le plan vital, sur le plan physique, sur le plan astral ou sur les autres plans. Donc, si l'homme est une organisation complète de la conscience atomique, il n'y a pas de division en lui, donc il n'y a pas de surmoi, il n'y a pas de grand moi ou de petit moi. Mais nous n'avons pas compris, dans notre expérience, la nature de la communication mentale. Nous n'avons pas compris, dans notre expérience, la nature objective et subjective à la fois de la pensée. Pour que nous puissions comprendre, réaliser la pensée objectivement, nous sommes obligés de la réaliser subjectivement. Une fois que nous la réalisons subjectivement, ensuite nous pouvons passer à l'objectivité de la pensée. Mais la pensée, qu'elle soit objective, dans ce sens qu'elle est dépersonnifiée, qu'elle soit à l'extérieur de l'ego, ou qu'elle soit subjective et interne, c'est toujours la même pensée. Et elle donne à l'homme la faculté de recevoir ou d'exprimer. Mais en fait, cette pensée, elle est totalement synthétique. Elle n'est pas polarisée. Elle n'est pas divisée entre un petit moi et un grand moi. Une partie mortelle et une partie impersonnelle. Le tout fait un. Et ce qui crée l'inquiétude dans l'ego de l'homme, ce qui crée la division dans les perceptions de l'intelligence, ce qui crée des nuances dans l'exactitude de l'intelligence, ce qui empêche l'homme de connaître l'inévitabilité de l'intelligence, c'est justement le fait que l'homme est incapable dans son expérience actuelle de réaliser que, en fait, il n'y a pas en lui de conscience intérieure et de conscience extérieure. Il n'y a en lui que de l'intelligence, plus ou moins ajustée à ses corps subtils. Et c'est ça qui crée l'impression d'une dualité. C'est ça qui crée l'impression spirituelle d'une dualité. C'est ça qui crée le besoin chez l'homme d'avoir une contrepartie spirituelle qu'il appelle le grand moi et une contrepartie matérielle ou physicalisée dans un cadre psychologique quelconque qu'il appelle son moi ou son je. Et l'illusion est très grande, elle est très vaste, elle est très profonde et elle constitue la façon même dont est utilisé l'homme par les forces qui constituent ce que nous appelons, nous les hommes, l'esprit ou la lumière, ou d'autres forces qui constituent ce que nous appelons les esprits de la forme, ou d'autres forces que nous appelons les esprits archaïques ou les forces archaïques. Donc l'homme dans son acheminement, l'homme dans sa conscientisation, l'homme dans le développement de son intelligence, avant qu'il soit arrivé à un stade où il puisse être absolument sans réflexion, subit une période de réflexion qui l'amène à découvrir une dualité, qui l'amène à reconnaître une supériorité à l'intérieur de la dualité, lui étant la partie inférieure de la dualité et l'autre partie étant supérieure à lui, parce qu'elle est force, tandis que lui n'est que récepteur de cette force. Et c'est cette subtile division de l'intégrale intelligence de l'homme qui fait que l'homme est obligé, dans son expérience matérielle, en tant qu'ego, en tant qu'être qui en fait est complet, mais non perfectionné, de substituer l'intelligence, autrement dit l'énergie de l'intelligence, pour l'impression de l'intelligence. Et c'est lorsqu'il substitue l'énergie de l'intelligence pour l'impression de l'intelligence qu'il tombe dans le piège de la dualité de l'intelligence et qu'il se découvre un faux mal ou une fausse réalité qui lui plaît spirituellement, mais qui en fait n'existe pas, qu'on appelle le petit moi et le grand moi. L'ego de l'homme a été constitué par étapes. La première partie de l'ego de l'homme qui s'est développée, ça a été la partie astrale, autrement dit la partie animale émotive. Ensuite, la partie mentale subjective. Et ensuite, la partie supramentale subjective objective, que certains parmi vous aujourd'hui pouvez comprendre. La partie émotive astrale de l'ego a donné à l'homme l'impression d'être physiquement dans la matière. La partie mentale subjective de l'homme lui a donné l'impression d'avoir une conscience d'être dans la matière. La partie objective et subjective supramentale de l'homme lui donne la conscience d'avoir l'impression d'être en relation avec de l'intelligence à l'extérieur de lui. La partie éventuelle de l'homme supramentale totalement développée, c'est-à-dire perfectionnée, dans son mental, lui permettra de réaliser qu'il n'y a aucune différence entre l'intelligence en lui, l'intelligence qui vient à lui, l'intelligence qui passe par lui, l'ego en lui, l'ego qui reçoit et l'ego qui exprime cette intelligence-là. Et à ce moment-là, l'homme réalisera, c'est ça la fusion, l'homme réalisera pour la première fois l'état de fusion, c'est-à-dire qu'il réalisera qu'il n'y a aucune différence entre lui, qu'il soit matériel ou invisible, ou qu'il soit partie attenante à la matière dense ou partie attenante à une matière plus subtile. Donc, à ce moment-là, l'homme pourra reconnaître, non pas par l'ego, mais à travers l'ego, que la conscience de l'homme n'est pas matérielle, que la conscience de l'homme est d'un autre plan, mais que la conscience de l'homme se manifeste dans la matière comme elle peut se manifester dans un autre plan. Mais lorsque l'homme prend conscience de ceci, il s'aperçoit que les plans n'existent pas. Parce qu'il s'aperçoit à ce moment-là qu'il est aussi présent dans l'éther de l'intelligence que l'intelligence est présente dans l'éther de sa matière. Donc, il y a une amalgation en lui de sa conscience. C'est-à-dire qu'il y a une réunion en lui, à la fois, instantanément, de toute la présence créative de la conscience réelle en vertu de son corps matériel, en fonction de son corps matériel, pour le bénéfice de son corps matériel ou pour le bénéfice de l'homme général. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de division entre la matière de l'homme et sa matière subtile. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de séparation entre l'homme qui est et l'homme qui est demain et l'homme qui est dans 2 ans et l'homme qui est dans 10 ans. C'est toujours le même homme, il n'y a plus de séparation. À partir de ce moment-là, l'homme commence à prendre conscience que la relation entre son intelligence interne, objective, et sa manifestation, qui devient souvent externe et subjective à cause de ses émotions et de son mental inférieur, devient de plus en plus raffinée jusqu'au moment où, un jour, suffisamment raffinée à cause de la souffrance, cette intelligence devient une matière et qu'elle devient une matière totalement unifiée à sa conscience égoïque. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de séparation entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de petit moi, il n'y a plus de grand moi. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à réaliser l'inévitabilité de l'intelligence. C'est très, très difficile pour l'homme de se dissocier de sa mémoire. Et c'est d'autant plus difficile pour l'homme de se dissocier de son petit moi, parce que son petit moi, c'est sa mémoire, tandis que son grand moi, c'est une autre mémoire, mais une mémoire à laquelle il a accès quand le petit moi disparaît. Donc, pour l'homme, pour avoir accès à la mémoire de ce qu'il appelle le grand moi, il doit perdre la mémoire du petit moi, et à ce moment-là, il a accès à la mémoire du grand moi, et le grand moi devient lui, et à ce moment-là, lui, le grand moi disparaît. Aussitôt que l'homme a accès à une mémoire quelconque, que ce soit la mémoire du petit moi, du je, il y a une contrepartie de lui qui disparaît. Quand l'homme a pris conscience de la mémoire du je, le grand moi a disparu, l'homme a développé au niveau égoïque. Quand l'homme prend conscience de la mémoire du grand je, la petite mémoire disparaît et il prend conscience de la mémoire non égoïque ou la mémoire supramentale ou la mémoire consciente. Et quand la mémoire du grand je disparaît, comme la mémoire du petit jeu disparaît, il est inévitable que l'homme devienne mémoire créative. Et il est inévitable à ce moment-là que l'homme devienne intelligence créative. Et il est inévitable à ce moment-là que l'homme devienne inévitablement intelligent. L'homme n'a plus de choix. Parce que dans ce processus-là, toutes les avenues qui servent ou qui peuvent servir à bloquer l'intelligence, ou toutes les avenues qui peuvent empêcher que l'homme réalise énergiquement ce que c'est de l'intelligence, ont été éliminés, parce que les deux mémoires ont été éliminées. Et autant l'homme doit perdre la mémoire du petit jeu, autant l'homme doit perdre l'incessante recherche, l'incessant désir pour avoir une mémoire cosmique. Autrement dit, autant l'homme doit perdre l'incessant désir pour tout savoir. Pour savoir. Et ça, c'est un phénomène d'énergie, c'est pas un phénomène d'option psychologique. C'est un phénomène d'énergie. Et dans la transmutation de l'âme, dans le processus de pénétration de l'énergie du double au cours des années vers les matières inférieures de l'âme, il doit en arriver à perdre la mémoire subjective, et il en arrivera éventuellement à perdre l'intérêt à la connaissance. L'intérêt à la connaissance étant une manifestation psychologique de son intérêt à avoir accès à une mémoire cosmique. Et c'est à ce moment-là que le petit moi et le grand moi disparaîtra. Et quand l'homme n'aura plus le petit moi, il n'aura plus le grand moi, la synthèse sera faite, l'homme sera inévitablement intelligent, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de choix. Il sera obligé de l'être. Et quand l'homme sera obligatoirement intelligent, qu'il n'aura pas de choix, dans ce sens que les avenues qui auront mené à ce développement auront été vécues par l'expérience, l'homme sera totalement en dehors de la polarité du cosmique et du planétaire, il y aura une conscience interplanétaire et il pourra parler avec n'importe qui, de n'importe quoi, à n'importe quel niveau, dans n'importe quel temps. Ce sera l'homme nouveau. Donc, chez ceux parmi vous qui ont encore cette soif presque insatiable de s'intéresser à la connaissance, subjectivement, je ne parle pas de l'intérêt à la connaissance qu'on puisse avoir d'une façon détachée, mais je parle de l'intérêt à la connaissance qu'on puisse avoir subjectivement, je vous dis que viendra un jour, viendra le jour où vous devrez réaliser la perte d'énergie totale dans tout intérêt que l'homme puisse avoir dans quelque forme de connaissance que ce soit. C'est une perte d'énergie totale. Et ce qui crée dans l'homme cette énergie, ce n'est pas son double. C'est la réaction astrale et mentale inférieure à l'énergie de son double. Donc, tant que l'homme est intéressé à la connaissance, il perd de l'énergie, donc il ne peut pas avoir accès inévitablement à l'énergie de l'intelligence ou à l'énergie de la volonté. Parce que quelque part dans le temps, il créera essentiellement le besoin de vivre, soit au niveau de son petit moi, qui est conscient de son grand moi, ou il vivra au niveau de son grand moi qui s'impose sur son petit moi. Autrement dit, il vivra une initiation quelconque. Donc, la condition existentielle de l'homme planétaire ou la condition spirituelle ou conscientisante de l'homme qui a potentiellement la capacité de fusionner est une condition qui réfléchit constamment la dualité en lui, vécue sur le plan du petit moi ou du grand moi. Et cette conscience est absolument anti-fusion. Elle est anti-fusion. C'est impossible à un homme fusionné d'être intéressé à quoi que ce soit. Parce que être intéressé à quoi que ce soit implique un désir quelconque, et le désir quelconque ne peut être rempli que si l'on a accès à une mémoire quelconque, soit planétaire, subjective ou cosmique. Et cette condition est très importante parce que l'homme doit un jour, pourquoi moi je parle? Pourquoi j'ai la faculté de parler? Parce que il n'y a aucune perte d'énergie en moi qui fait que mon petit moi serait intéressé à garder un peu ou à sentir ou à percevoir un peu de ce que mon grand moi pourrait me dire et vice-versa. Donc, l'énergie n'a qu'un endroit à aller, c'est de descendre dans le cerveau et de se manifester par la parole. L'homme ne peut pas à la fois constater son intelligence et à la fois être créatif. Et d'ailleurs, le problème de l'homme, c'est que l'homme est beaucoup trop intéressé à être intelligent. L'homme est intéressé à être intelligent parce que ça donne à son petit moi un support psychologique, ça lui donne quelque chose. Lorsqu'en fait, l'homme n'a pas besoin d'être intelligent. L'homme est intelligent. Mais il ne l'est pas parce qu'il est trop intéressé à l'être. pour que l'homme soit, en parenthèse, intelligent, il ne faut pas qu'il soit intéressé à être intelligent. Parce que l'intérêt à être intelligent fait partie de l'activité du petit moi qui recherche dans le grand moi un support, donc une mémoire cosmique plus vaste. Et à ce moment-là, le mouvement de l'énergie à travers l'homme s'arrête, bloque. Quand je disais dans mes séminaires que l'orgueil, c'est très subtil, l'orgueil. Et si je donne une autre définition plus nuancée de l'orgueil, je pourrais dire que l'orgueil, c'est tout intérêt collégo à lui-même, à quelque niveau que ce soit. Tout intérêt collégo à lui-même, tout intérêt collégo pour lui-même, c'est l'orgueil. Et c'est justement cette vibration-là dans le mental qui fait que l'homme n'est pas capable de synthétiser l'énergie de l'intelligence ou l'énergie de la volonté. Il n'est pas capable de vivre la constante présence du double et sa pression contre ses corps subtils. Parce que être, en parenthèse, ce qu'on appelle intelligent, autrement dit être créatif, ça veut dire être imprégné complètement de l'énergie du double. Plus un homme est imprégné de l'énergie du double, plus il est créatif. Donc, automatiquement, si le double l'imprègne, il ne peut pas y avoir de place en lui pour aucune réflexion autre qui serait soit la perception du petit moi ou la perception d'un grand moi. Donc, la perception d'un grand moi chez l'homme mène à l'orgueil spirituel et la perception du petit moi mène à l'orgueil intellectuel. Les deux sont aussi mauvaises l'une que l'autre. Que vous vouliez être un saint ou un bandit, il n'y a pas de différence. Que vous soyez fier d'être un bandit ou fier d'être un saint, vous êtes fier. Quand je parle de l'inévitabilité de l'intelligence, de l'humanité, je parle de la destruction totale chez l'homme au cours de son évolution, de la dualité entre le petit moi et le grand moi. Donc, je parle de la destruction chez l'homme, de la conversation entre une partie spirituelle en lui et une partie psychologique. La partie spirituelle dans l'homme étant celle qui lui crée des reflets d'une certaine couleur, qui donne à sa partie psychologique l'impression d'être particulier, spécial, plus avancé que l'autre, plus conscient que l'autre. C'est la partie spirituelle qui crée ça dans l'ego. Et le gars, lui, il mange ça, comme dit Klendak. Et c'est à la partie psychologique de refuser ces insinuations. C'est la partie psychologique de l'homme de refuser toute forme d'aliénation du vrai caractère qui doit exister entre ces deux parties. Sans ça, il n'y a jamais de synthèse possible. Donc, l'homme devra réaliser au cours des générations que ce qui est important dans son évolution, ce n'est pas seulement sa conscience de la partie spirituelle, mais c'est aussi la destruction éventuelle de l'intérêt qu'il a en elle. Et lorsque l'homme a perdu l'intérêt dans cette partie spirituelle, il ramène, il fait un cercle à 360 degrés et il revient dans la matière. Mais ayant déjà été touché par l'onction de l'autre partie, autrement dit, il est conscient. Mais il est conscient intelligemment au lieu d'être conscient par infection spirituelle. Parce que la spiritualité, c'est une infection. C'est un bon mal, mais c'est un mal pareil. Que vous ayez une belle maladie ou une mauvaise maladie, c'est une maladie. Donc, la spiritualité, c'est une maladie. Mais l'homme préfère être spirituellement malade que matériellement inconscient. Parce que lorsque l'homme est spirituellement malade, il se permet de se donner une conscience, une certaine valeur psychologique personnelle. Autrement dit, il se sent bien dans son odeur de spiritualité. Ça sent bon, son parfum. Et il aime sa spiritualité. Et il y en a qui ont tellement de parfum qu'ils en puent. Et naturellement, ce ne sont pas les gens qui sont parfumés qui vont sentir ou qui vont être repoussés par le parfum des autres. C'est pas quand on fume qu'on n'aime pas la cigarette. Mais c'est ceux qui éventuellement ne seront plus parfumés ou parfumables qui ne pourront plus sentir le parfum, même si c'est du Christian Dior. Et c'est ça que l'homme doit réaliser. Et c'est là que commence sa grande réalisation en tant qu'homme, que le pouvoir de l'intelligence ou le pouvoir de la créativité, ou appelez ça comme vous voulez, le pouvoir de rendre dans la matière ou sur un plan quelconque une énergie qui fait partie du cosmos, de l'univers, que ce pouvoir fait partie de l'homme, qu'il n'y a absolument rien d'inhabitué ou d'inhabituel dans cette manifestation, que c'est très normal. Et c'est lorsque l'homme commence à réaliser qu'il est normal dans le pouvoir, qu'il n'y a plus de parfum dans sa conscience. Ceux qui réaliseront l'inévitabilité de l'intelligence, c'est-à-dire ceux dans, au cours des années ou des générations qui seront suffisamment conscients de la mystique de l'intelligence, de la mystique de l'énergie et de l'intelligence qu'elle crée lorsqu'elle passe à travers le mental et l'émotionnel de l'homme, ces gens-là deviendront demain ceux qui instruiront l'humanité dans les sciences occultes, de la science, de la musique, de l'architecture, de la médecine, ainsi de suite. Ce sont ces gens-là qui demain seront les scientifiques nouveaux de la nouvelle humanité. Parce que l'inévitabilité de l'intelligence, autrement dit, le processus inévitable qui résulte de la synthèse, de la destruction de la dualité entre le planétaire et le cosmique, mène l'homme inévitablement à un rapport étroit avec l'énergie. Et c'est ce rapport étroit avec l'énergie qui constituera demain le rapport étroit entre l'homme et la science nouvelle. Pas d'autre chose. Nous avons tendance à penser en forme de mémoire pour mesurer l'intelligence. Et nous avons tendance à penser en termes de mémoire pour mesurer l'intelligence parce que nous ne sommes pas capables de vivre de l'énergie pure et simplement. Donc, nous invoquons toujours une mémoire, qu'elle soit planétaire pour les intellectuels ou les gens inconscients, ou qu'elle soit cosmique pour les gens spirituels qui veulent devenir des grands maîtres. Nous invoquons toujours une mémoire. Et ce que nous ne réalisons pas, c'est que l'homme est une unité complète et que cette unité complète, lorsqu'elle est prête, lorsqu'elle est vibrante, ne peut pas faire autre chose que de synthétiser l'énergie et la rendre au plan qui en a de besoin pour l'évolution d'une civilisation matérielle ou d'une civilisation éthérique. L'homme n'a aucun effort à faire pour devenir créateur. Mais il doit souffrir les conditions de son évolution qui sont en fonction de sa mémoire et qui sont en fonction de l'illusion permanente qu'il a, et presque absolue, que lui est toujours une quantité de quelque chose d'autre. Et tant que l'homme aura en lui l'impression psychologique d'être une quantité de quelque chose d'autre, il sera obligatoirement lié à une mémoire, qu'elle soit planétaire ou qu'elle soit cosmique. Donc, il n'aura jamais le pouvoir de l'énergie, il aura simplement la capacité psychologique de rendre cette mémoire selon le mode de sa domination, que ce soit dans le cas de l'homme inconscient, qui rend la mémoire inconsciemment de l'humanité et qui se domine automatiquement et qui rend les rouages de sa société totalement difficile, ou l'homme qui se conscientise ou qui a une pellicule de conscience mystique ou qui a du mysticisme dans sa conscience et qui a l'impression d'avoir accès à une mémoire, à une sorte d'intelligence qui est au-dessus de lui et qui devient aussi dominé par cette impression. L'homme est un être qui vit d'impression. Nous vivons d'impression et nous ne savons pas encore ce que c'est que de l'impression. L'impression, c'est l'énergie organisée à l'échelle du mental et de l'émotion de l'homme. Et le seul homme qui peut manipuler l'impression, qui peut créer de l'impression, qui peut ne pas être impressionné par l'impression, c'est l'homme qui a fait la synthèse du planétaire et du cosmique. Autrement dit, l'homme à l'intérieur duquel le petit moi et le grand moi n'existent pas. Autrement dit, à l'intérieur duquel il n'y a qu'un vide dont lui devient le canal pour l'expression dans la matière, s'il est dans la matière, d'une force vitale quelconque ou dans l'éther d'une autre force vitale. Et dans la pensée de l'homme, dans le mécanisme de la pensée subjective, dans le mécanisme astral de nos imaginations, dans le mécanisme astral et mental de nos perceptions psychiques, il y a constamment de l'impression créée pour une raison seulement, créée pour raffermir nos personnalités et les cimenter dans une mémoire quelconque, que ce soit une mémoire planétaire ou que ce soit une mémoire cosmique. Je vous donne un exemple. Il y a combien de gens parmi vous qui ont fait pendant des années la course aux secoupes volantes, qui se sont déplacés pour aller tel endroit pour voir des secoupes volantes ou pour rencontrer des extraterrestres, comme notre chère amie Hélène les appelle avec tant de candeur? Autrement dit, ces impressions étaient logées dans le cerveau pour une éducation éventuelle quelconque. Autrement dit, pour une réalisation éventuelle, que c'est une perte de temps et d'énergie. Et dans le domaine de l'homme planétaire ou de l'homme qui se conscientise, qui développe une conscience universelle, dans le domaine de l'homme qui n'est pas encore fixé en dehors de la dualité du cosmique et du planétaire, de la conscience et de l'inconscience, dans le domaine de l'homme, il y a toujours une partie de lui qui doit être exorcisée. Et cette partie de lui qui doit être exorcisée, c'est cette partie de lui qui devient demain la partie créative. Autrement dit, le résultat de la fusion, autrement dit, l'habilité à l'ego, cristallisée, d'utiliser à volonté l'énergie du double.